Donc, bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes ce matin encore une fois réunis. Alors, je suis bien conscient que ce n'est pas le même impact que si j'étais avec vous physiquement. Mais par la grâce de Dieu, je suis au moins avec vous, hein, virtuellement parlant. Et soyez assurés que mon cœur est avec vous. Mes prières vous accompagnent régulièrement. Et je peux vous dire que, comme Paul pouvait dire, je pense à vous souvent dans mes prières, hein, afin que Dieu vous garde et vous conduise dans la vérité jusqu'à son retour. Notre bon Père du ciel, c'est notre désir premier, c'est notre désir fondamental de toujours mieux connaître celui qui nous a sauvés. Car la vie éternelle, c'est de connaître celui que tu as envoyé. Nous voulons approfondir notre connaissance de toi, notre connaissance de ton plan. Et pour ce matin, nous voulons continuer à approfondir notre connaissance de ce que tu as prophétisé pour l'Église, de ce que tu as annoncé pour le monde dans lequel nous vivons. Les hommes s'imaginent de toutes sortes de manières comment ça va se terminer. Mais nous ne marchons pas par notre imagination, mais nous marchons par la foi. Par la foi de ce que tu as dit et déclaré. Guide-nous encore ce matin dans l'étude de l'Église de Sarthe. Afin qu'on puisse tourner nos regards vers toi et qu'on puisse t'adorer parce que tu es celui qui sonde les cœurs et les reins, parce que c'est celui qui décide de toutes choses. Au nom de Jésus, amen. Nous sommes rendus au chapitre 3 et nous sommes en train d'étudier ce que le personnage avec les yeux de flamme et une épée qui sort de sa bouche, et des pieds comme des colonnes d'airain chauffées, comme ce matin d'étudier les paroles de celui qui a les cheveux blancs comme la neige, la face resplendissante comme le soleil, comme celui de celui qui avait une robe blanche avec une ceinture d'or sur sa poitrine. Nous sommes en train d'étudier les paroles de celui qui a les sept anges dans sa main et qui est au milieu des sept chandeliers, qui s'adresse à l'Église. C'est lui que nous voulons entendre. Et je prie qu'ensemble, à matin, nous entendions sa voix par les Écritures. L'Église avait besoin de se repentir. C'est ce que je vous avais dit, qu'il y avait trois raisons fondamentales pourquoi l'Apocalypse a été écrit. Un, repens-toi. Deux, persévère dans ce que je t'ai donné. Trois, adore Dieu et non pas les idoles. Et c'est ce qu'il dit aux sept églises quasiment entièrement. Il y a une église qui se sent moins sévère, l'église de Philadelphie, qu'on va voir la prochaine fois, parce que là, j'ai renoncé à penser que je vais en faire deux. Chaque fois, je pense que je vais en faire plus que ça, mais on va s'en tenir à une à chaque fois. Et donc, on va prendre le temps de traverser cela, ces sept églises-là, une à chaque fois. Nous allons commencer par lire le texte, si vous voulez bien, dans chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivante ou vivant. Et que tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, Garde-la, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Ce n'est pas pour rien, je crois, que l'auteur, à chaque fois, au commencement de la lettre à l'Église de Sardes, et à la fin, il dit à chaque fois, il dit, qui est-ce qui parle? Ça vient pas des hommes. Il dit, ici, il va dire, c'est celui qui a les sept esprits de Dieu. Et le mot sept esprits, je crois pas que Dieu a sept esprits. La Bible nous enseigne partout que Jésus, il y a l'esprit de Dieu. Il y a pas les sept esprits de Dieu. Dans l'Apocalypse, on les présente parce que c'est un livre écrit d'une façon apocalyptique, beaucoup d'images. Les sept esprits de Dieu représentent la totalité de ce que Dieu est, les esprits de Dieu ou l'esprit de Dieu. C'est celui-là qui parle. Puis à la fin, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux sept églises. Donc, il met entre parenthèses, puis il veut qu'on soit sûr qu'on reçoit ici la parole de Dieu et non pas la parole de Jean. Jean est juste un moyen par lequel Dieu transmet ses paroles. Donc, il se présente comme celui qui a les sept esprits de Dieu. Qui ça? Celui de la vision, celui qui a les sept étoiles dans sa main, c'est Jésus. Jésus est Dieu parce que Jésus a les sept esprits de Dieu. Jésus a les sept esprits de Dieu. Donc, Jésus, s'il était une créature, peu importe à quel point on le mettrait une autre, la première créature, la plus grande créature, il pourrait pas avoir les sept esprits de Dieu. Il ne pourrait pas les contrôler. Celui qui parle est animé par l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui a les sept étoiles. C'est lui qui est en contrôle, celui qui est en charge. C'est celui qui a autorité dans l'Église. C'est lui, comme Paul le dit, qui est la tête du corps de Christ. C'est lui qui est le Seigneur de l'Église. C'est lui, notre maître, notre professeur, notre enseignant. C'est lui, la parole de Dieu. C'est vraiment, en tout cas personnellement, ça me donne un bien-être profond de savoir que ce que je lis, ce que j'entends, ce que je regarde avec vous ce matin, ça vient de Dieu. À travers toute l'histoire, le monde a essayé de démontrer que la Bible n'était pas la parole de Dieu, que c'était des disciples qui avaient écrit ça, les apôtres qui avaient exagéré, ils avaient imagé ça, ils avaient embelli ça. C'est juste un livre d'histoire comme les autres livres d'histoire. Mais nous, frères et sœurs, nous croyons que c'est la parole de Dieu. Et ça, juste ça, ça nous fait du bien de penser ça. Ça nous rassure. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on sait que les hommes qui nous enseignent sont faillibles, sont faibles, sont pécheurs. Mais on a cette paix intérieure tant aussi longtemps qu'il reste à l'intérieur des Écritures et que c'est les Écritures qui nous enseignent et qui nous montrent dans les Écritures, ce qu'ils nous enseignent vient de là. Nous avons une paix que ça vient de Dieu, ce qu'on entend. Il commence, comme il a commencé dans les autres quatre églises, Je connais, je te connais. Oh, combien de fois Dieu dit ça à Israël dans l'Ancien Testament. Israël, je te connais. Je connais ton cœur, je connais tes pensées, je connais ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il dit dans le prophète, je pense c'est Jérémie ou Isaïe, nul ne connaît le cœur humain si ce n'est que Dieu seul. Je te connais. Dieu me connaît mieux que moi-même. Et l'Église de Sardes va avoir besoin de croire ça ce matin. L'Église de Sardes va avoir besoin de croire que Dieu connaît son cœur mieux que lui-même, mieux que elle-même. Et l'Église, à travers les siècles, a eu besoin d'entendre et de croire que Dieu connaissait son cœur mieux que elle-même. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Et je sais, moi, que tu passes pour être vivant ou vivante, si on parle de l'Église au lieu de l'ange. Mais moi, Jésus, celui que les sept esprits de Dieu, celui que les sept étoiles dans sa main, je sais que tu es mort. Est-ce que tu vas me croire ce matin quand je te dis ça? Tu penses pour être vivant, mais moi je te dis que tu es mort. Quand j'étais un inconverti, Dieu m'a dit, François, tu crois être une bonne personne? Moi je te dis que tu es perdu, que tu es mon ennemi, que tu es pécheur, que tu es condamné. Vas-tu me croire? Vas-tu me croire? Ici, il dit à l'Église, dans ma tête, me semble, ça a dû quasiment être un choc. Tu passes, tu parais, il semble. Quand je te regarde, quand les gens te regardent de l'extérieur, quand toi-même tu te regardes de l'extérieur, tu passes pour être vivant ou vivante. Et moi, je te dis, tu es mort, spirituellement mort. Tu n'es pas vivant. C'est pour ça qu'il se présente à la fin. Je suis celui qui sonde. Hier, qui a dit ça, pas hier, mais la dernière fois qu'on s'est vu, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Comment est-ce qu'il va faire pour convaincre Sarde qu'elle est morte? Regardons. Verset 2. Sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, il dit, sois vigilant, sois attentif, fais attention. Hein? Quand on dit sois vigilant, on dit sois attentif, fais attentif. Écoute-moi bien, là. Comprends bien. Il t'en reste un petit peu dans ton sein. Il y a un petit quelques hommes, il dit, qui est prêt de mourir, sont pas forts. Ils sont prêts de mourir. C'est pas mort. Il y en a quelques-uns qui sont pas morts, mais ils sont pas forts. Ils sont prêts de mourir. Il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. C'est qu'est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il serait en train de dire, tes prières sont pas tout à fait correctes? Est-ce qu'il est en train de dire, tu évangélises pas assez? Tes offrandes sont pas assez grosses? Est-ce qu'il est en train de dire, ce que tu fais pour moi, là, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Ben non. C'est pas ça qu'il est en train de parler. De quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle ici? Tes œuvres ne sont pas parfaites devant moi. On a vu ensemble dans les autres églises, et on va voir aussi pour le restant de l'Apocalypse, que Jésus entend ici ce que tu, on pourrait traduire selon ma compréhension, ce que tu crois n'est pas parfait. Ce que tu enseignes n'est pas parfait. C'est pour ça qu'il va juste dire après, rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu. La parole. Donc, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole et garde-la. Je crois que c'est un synonyme, ça, de tes œuvres sont pas parfaites. Parce que les œuvres de la vie chrétienne, quand on parle d'œuvres, d'église, d'aller à l'église, de prêcher, de prier, de lire nos Bibles, comme souvent c'est ça qu'on pense quand on parle d'œuvres de la vie chrétienne, ou d'aimer nos femmes, nos enfants, de la chasteté, de la pureté, mentale, morale, sexuelle, on pense à ça, c'est pas parfait, mais ça sera jamais parfait. Il n'y a personne qui peut lever la main et dire, moi, mes œuvres, ce que je fais dans ma vie chrétienne, c'est parfait. C'est parfait. Donc, je suis un vrai chrétien. Si c'est ça, moi, je te dis, tu ne l'es pas. Parce qu'il n'y a pas de geste que je fais. Même des fois, quand je suis en train de prier, puis il me vient des pensées sales. Je suis en train d'évangéliser, puis je vis de l'orgueil. Il n'y a pas d'amour parfait. Il n'y a pas de justice parfaite chez les chrétiens. Il n'y a pas de chrétien honnête à la perfection. Ça n'existe pas la perfection de ce monde. Dans ma mise en pratique de les Écritures, ça n'existe pas la perfection. Mais, il dit, tes œuvres sont pas parfaites parce que, au verset 3, il dit, parce que tu n'as pas gardé ce que tu as reçu et entendu. Tu ne gardes pas ce que je t'ai donné. Tu n'as pas retenu l'enseignement transmis par mes apôtres une fois pour toutes. Mon frère et soeur, si vous aviez le temps de prendre un cours d'histoire de l'Église, j'ai pris un cours d'histoire avec un professeur que j'aimais beaucoup et il nous racontait l'histoire, surtout l'histoire doctrinale de l'Église, et comment ça bougeait là-dedans. Comment l'Église a voyagé dans toutes sortes de doctrines, et tout d'un coup, complètement, l'Église débarquait aux côtés de la traque. Elle revenait. Il dit, l'Église a toujours vécu ça comme cela. Donc c'est pour ça que toutes les églises de toutes les générations, de toutes les races qui reçoivent l'Apocalypse, qui reçoivent l'Église de Sardes, doivent s'arrêter et s'évaluer. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans les Épîtres, examinez-vous. Examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi. Examinez-vous. Vérifiez. Ne vous répétez pas toutes les matins dans le miroir, sauvez un jour, sauvez toujours, sauvez un jour, sauvez toujours. Veille, sois vigilant, vérifie, étudie, lis, prie, pour voir si tes œuvres sont parfaites, pour voir si ce que tu entends, ce que tu entends qu'on te prêche. Ce que tu prêches, c'est ce que tu as reçu des apôtres. Oh, combien c'est important, fondamental. L'Église a tendance, dans l'histoire, quand on lit l'histoire, elle commence avec une doctrine et elle se détourne tranquillement vers la mise en pratique, pas la mise en pratique, comme la charité envers le monde. Depuis, je me souviendrai des années 85, 90, M. Keefe nous avait enseigné sur la théologie de la libération. Que dans le monde, présentement, il y avait cette poussée-là, ils allaient devoir s'établir de plus en plus, qu'on va mettre plus d'emphase dans l'Église de faire du bien à la société que de prêcher l'Évangile à la société. On va vouloir aider les pauvres de la société, les malades dans la société. On va, et c'est bien de faire ça. Mais à un moment donné, l'Église vire de bord et là, elle ne prêche plus l'Évangile, elle fait juste du bien. Puis si vous étudiez, il y a certains mouvements religieux aujourd'hui qui ont commencé très évangéliques et aujourd'hui sont devenus une œuvre sociale. Ils ne prêchent plus l'Évangile. Ils donnent des couvertes. Ils donnent de la nourriture. Ils font du bien aux pauvres. Ils s'occupent des filles mères. Ils s'occupent des gens dans la rue. Mais ils ne prêchent plus l'Évangile. Faut toujours garder comme priorité de prêcher la vérité, d'accompagner ça par des œuvres, d'accompagner ça par, oui, faire du bien autour de nous, oui, s'occuper des pauvres dans l'Église et dans le monde aussi. Oui. Mais pas au détriment de prêcher l'Évangile. Une fois, quelqu'un m'avait demandé, François, pourquoi tu donnes pas à ces organismes-là qui, parce qu'ils étaient là quand quelqu'un était venu chez nous puis il avait demandé si on voulait donner de l'argent pour tel organisme, il dit, vous autres, vous semblez pas, tu sembles pas vouloir encourager ces affaires-là, François. J'avais dit, non, pas eux autres, mais j'aime encourager des groupes qui font cela, la même chose, mais qu'en même temps qu'ils donnent la couverte, en même temps qu'ils donnent le plat de riz, ils vont prêcher l'Évangile en même temps. Je veux pas juste faire du bien à leur corps, je veux premièrement faire du bien à leur âme. À leur âme. Parce que si je sauve leur corps et que leur âme n'est pas sauvée, c'est triste. C'est très triste. Hein? C'est très triste. Hein? Fait qu'il dit à cette église-là, rappelle-toi ce que tu as entendu. Rappelle-toi ce que tu as reçu. Et garde-le. Je peux pas m'en rappeler si je ne le sais pas. Mais ça veut dire, recule en arrière. Regarde en arrière. Prends les Écritures. Prends l'enseignement des apôtres et vérifie si ce que tu crois aujourd'hui vient de là. Vient de là. Je me souviens une fois, j'étais dans une église. J'étais allé prendre un cours au Texas et le dimanche matin, on cherchait, on était deux chrétiens du Québec, et on cherchait une église chrétienne, et on a vu une église, là. Et à cause qu'on a vu le mot baptiste, ben, on est rentré là, hein, on était dans une église baptiste, fait qu'on est rentré là. Je vous dis pas que c'était tout le temps de même, mais en tout cas, ce matin-là, c'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai entendu prêcher, ça n'avait rien à voir avec les Écritures. Ça aurait pu être prêché dans n'importe quelle église non chrétienne. On ne prêchait plus les Écritures. On prêchait l'œuvre sociale et politique et ça, dans le monde. Il faut vraiment se repentir quand il dit au chapitre 3, il dit, repens-toi que tes œuvres ne sont pas parfaites. Repens-toi. Repens-toi d'être morte, de donner une apparence d'être vivante, mais t'es morte. Repens-toi. Repens-toi. Parce que si tu ne te repens pas, tu vas être condamné. Tu vas être condamné. Parce qu'il dit, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas vigilante, si tu ne veilles pas, je vais venir comme un voleur et je vais te surprendre. Va te surprendre. Et c'est pas positif, c'est là. Je devrais pas te surprendre. Si tu es vigilant, je devrais pas te surprendre. Si tu m'attends, si tu as gardé ma parole, tu devrais pas être surpris. Tu veilles, tu gardes l'enseignement reçu des apôtres. Et là, il dit au verset 4, cependant, il y a parmi vous, dans l'Église, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. On parle spirituellement ici. Hein? La robe blanche, qui va parler juste après, ils ont pas, leur robe, elles autres, est blanche. Parce qu'il dit, ils n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Donc, souiller un vêtement sale, c'est un vêtement qui reflète que les œuvres ne sont pas parfaites. C'est le reflet qu'ils n'ont pas gardé ce qu'ils avaient reçu et entendu. Ce qui souille mon vêtement, dans le contexte ici, ce n'est pas parce que, en tant que chrétien, j'ai fait un péché. C'est pas ça qui souille mon vêtement. Ce qui souille les vêtements ici dans le texte, c'est la fausse doctrine. C'est le mensonge. C'est les œuvres imparfaites. C'est une foi corrompue. Qu'est-ce qui les rend dignes? Ils y vont avoir un vêtement blanc, leur vêtement n'est pas souillé, donc il est déjà blanc. Hein? Ils vont marcher avec moi en vêtement blanc, il est déjà blanc, parce que s'il n'est pas souillé, il est blanc. Donc ils vont continuer à marcher avec moi en vêtement blanc, parce qu'ils en sont dignes. Qu'est-ce qui les a rendus dignes? Leur obéissance aux 10 commandements? Ben non. Qu'est-ce qui les a rendus dignes? C'est qu'ils ont gardé la foi. C'est qu'ils sont vigilants. C'est qu'ils ont gardé ce qu'ils ont entendu et reçu. Ils en sont dignes de marcher avec moi parce qu'ils ont purifié leur robe dans le sang de l'agneau. Ils sont purs en Jésus-Christ. Ils ont gardé la foi en Christ. Ils ont continué à marcher toute leur vie dans la grâce de Dieu. Donc, ils sont dignes par leur foi et non pas par l'obéissance aux 10 commandements de Dieu. C'est ça qu'il y a jamais rien d'autre. Jamais rien d'autre, frère et soeur, qui va nous rendre dignes. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. L'être humain est indigne. Et là, dans le contexte ici, ceux qui ne sont pas dignes de marcher avec lui en vêtements blancs, c'est ceux dont les œuvres ne sont pas trouvées parfaites. C'est ceux qui n'ont pas retenu ce qu'ils avaient entendu de la parole de Dieu. Ils n'ont pas retenu. Ils ne veillent plus. Ils ne veillent plus. Ils sont comme le serviteur dans l'histoire de Jésus, que son maître tardant à venir, il s'est mis à boire et à battre ses compagnons, et il a été surpris quand le maître est arrivé, il a été trouvé ne faisant pas ce qu'il aurait dû faire. Ce qui rend digne, c'est de rester attaché à la vérité. Je trouve personnellement que souvent dans nos églises, on met beaucoup trop d'emphase en essayant de faire marcher les chrétiens en bon québécois drette. On essaie d'emmener les chrétiens à moins pécher, moins pécher, moins pécher, moins pécher, moins pécher. Je crois ce qui est le plus important, c'est de garder l'Église dans la vérité, de stimuler l'Église et les croyants individuellement à garder leur doctrine bien comme il faut. Et quand la doctrine est bien comme il faut et que le croyant croit à la doctrine, tranquillement, il va faire ce qu'il a à faire. Il va combattre le péché. Il va faire ces choses-là. Parce que si je renouvelle mon intelligence par la vérité, je crois que ma marche chrétienne va être selon ce que Dieu voudrait qu'elle soit. Il dit au verset 5, « À celui qui vaincra sera ainsi revêtu des vêtements blancs. » Donc, celui d'entre vous, ceux d'entre vous qui vont vaincre, qui vont sortir de cet état-là, qui vont vaincre la mort dans laquelle ils sont, à celui qui va vaincre, sera ainsi revêtu. Si tu te réveilles et que tu te repens et que tu sors de cette mort par la foi, tu reviens à ce que tu avais entendu, tu reviens à ce que tu avais reçu et que tu te convertis à la foi, toi aussi tu vas marcher en vêtements blancs. Toi aussi tu vas recevoir une vêtement blanc. Je vais te revêtir de vêtements blancs comme les quelques hommes qui avaient pas souillé leurs vêtements. Toi aussi tu vas recevoir un vêtement blanc. Un vêtement non souillé. si tu te repens et que tu as la victoire, je ne vais pas effacer ton nom du livre de la vie. Mais si tu n'as pas la victoire et que tu ne te repens pas, je vais effacer ton nom du livre de la vie. Et si ton nom n'est pas marqué dans le livre de la vie, t'as pas la vie. T'es pas avec Dieu. T'es pas avec Jésus. T'es pas en vêtements blancs. T'es pas digne. Tu vas subir la colère de Dieu. Mais si tu as la victoire en Jésus-Christ, tu vas recevoir un vêtement blanc. Donc, ça veut dire qu'il va te purifier de tous tes péchés. Et ton nom va être écrit dans le livre de la vie. Puis il dit, je vais confesser ton nom devant mon Père qui est et devant les anges. Je vais dire à tout le monde, François, Jacques, Pierre, Jean, sont de mes enfants, sont mes disciples, c'est mes brebis, sont à moi, ils m'appartiennent, ils sont dignes de moi, ils croient en moi. Je vais confesser que tu m'appartiens devant Dieu et devant les anges. Il me semble que Jésus me tend son bras, puis qu'il dit, hein, bon et fidèle serviteur. Ou ici, il va dire, Père, c'est François, c'est Jean, c'est Jacques. Ils ont resté fidèles jusqu'à la fin. Ils ont gardé ma parole. Ils se sont pas détournés de moi. C'est un de mes disciples. C'est une de mes brebis. Quelle joie! N'est-ce pas? Quelle joie! Ça va être l'euphorie pour l'éternité. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Que ce soit une prière régulière dans nos vies, un peu comme David a dit un jour, Seigneur, éprouve mes pensées, éprouve mon cœur pour voir si je suis sur la voie de la vérité. Prenons l'exhortation des apôtres dans les épîtres, éprouvez-vous et regardez si vous êtes dans la foi. Prenons au sérieux ici les enseignements que Jésus a donné aux sept églises. Regardez si vous êtes dans la foi. Regardez si vous n'avez pas abandonné le premier amour. Regardez s'il n'y a pas de Balaam dans votre sein. Regardez s'il n'y avait pas de Jézabel dans votre sein. Vérifiez pour voir si vous n'êtes pas mort, mais que vous êtes bien vivant et que vous êtes vivant basé sur les Écritures, basé sur la vérité reçue une fois pour toutes par les apôtres. J'avais dit une fois dans une église, j'achevais mon ministère dans une église, et j'avais dit à cette église-là, n'ayez jamais peur de réévaluer, de revérifier constamment ce que vous avez reçu de moi. Est-ce que François nous a transmis la vérité? Est-ce que je vais vérifier, voir? Je vais éprouver? Je vais comparer, je vais interroger, je vais lire, je vais payer quelqu'un qui va investir sa vie pour voir si ce que j'ai entendu dans le passé est vraiment la réalité. Parce qu'il vaut mieux changer aujourd'hui que de mourir. Ça va changer, si c'est besoin d'être changé. Ça n'a pas d'importance combien ça fait de temps que je suis sauvé. L'important, c'est de mourir sauvé. C'est ça qui est important. Et je vais mourir sauvé si j'ai gardé la foi, si mes œuvres sont parfaites devant mon Dieu, si j'ai retenu ce que j'avais reçu et entendu de la part des apôtres. C'est, si je meurs avec ça, je suis sauvé. Ça n'a pas d'importance combien ça te teint. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de réévaluer. De réévaluer constamment. C'est pas un manque de foi de réévaluer et de vérifier si je suis dans la foi. C'est pas un manque de foi, c'est de la foi. Père éternel, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous par ton Esprit Saint. Conduis-nous, instruis-nous, avertis-nous. C'est par amour que tu as dit à Sardes ce que tu lui as dit ce matin. C'est par amour. Il y en a peut-être ce matin qui écoutent cela et qui vont réaliser qu'ils ne sont pas dans la foi. Qu'ils se sont détournés de la foi. Mais Seigneur, tu dis à ces personnes-là, repens-toi, repens-toi et reviens à tes premières œuvres, reviens à Jésus-Christ, confie-toi en lui seul, confie-toi en lui seul, n'ajoute rien et n'enlève rien à l'enseignement de Dieu. Au nom de Jésus, nous te glorifions.